Tunnel 458 YE, non loin de Wish City. Je t'avais dit que c'était à gauche. Mais non, tu m'avais dit que c'était à droite. Mais pas vrai d'abord. Hé, les gars, on est perdu alors? Vraiment perdu? Si c'est vrai, tu mens comme un bâtisseur. Oh là là, on va être en retard au chantier. Le contremaître, il va pas être content, hein. Toute façon, depuis l'attaque des rats, rien ne va dans ce fichu monde. Faut pas bon être un gnome des profondeurs. Ouais, va mettre ça sur le dos des rats, toi. Tu t'es gouré. On va où? Qu'est-ce qu'on fait? Les gars! Non, je dis juste que travailler dans ces conditions, c'est plus possible. On n'a plus de grands dirigeants, plus de gouvernement potable. On creuse n'importe où sans politique de chantier. Et qu'est-ce qu'il y a d'attaquer rats? Attendez-moi, au moins. Qu'est-ce que j'entends? Y'a quelqu'un derrière cette roche? J'entends des voix. Les mecs, attendez-moi, partez pas devant moi. Attendez-moi. Friedrich. Friedrich. C'est pas la peine. Il est parti. Il nous entend plus. Friedrich. Ils sont vivants au moins. Ouais. Allez, on remonte dans le tunnel. Et on retourne dans le nouveau monde. Oui. On reviendra ici. Peut-être que quelqu'un nous entendra. On sait qu'ils sont vivants déjà, ça c'est le principal. On était si proche de retrouver d'autres Barifouich. Je sais. Milam souriait. Je sais, Squeak. Lorsque nous sommes sortis du tunnel, il nous a fallu quelque temps pour se réhabituer à la lumière du soleil. Mais lorsqu'enfin nous pûmes voir correctement à nouveau... Qu'est-ce qui se passe ici? J'en ai pas la moindre idée. Tout autour de nous, des écureuils, des oiseaux, des fourmis, des insectes en tout genre, tous les habitants des halls couraient d'un endroit à l'autre, transportant des branches, des feuilles, des glands. Tout s'affairait à des tâches bien précises. Mais lesquelles? Ils organisent leur défense. Ils organisent la défense des halls. Les rats? Les rats vont attaquer? Pour trouver Berthold. Si les rats attaquent maintenant, on n'a rien préparé encore, nous. Je crois pas qu'ils attaquent maintenant, mais ils commencent à faire parler d'eux autour des halls, comme ils ont fait avant de lancer leur attaque contre Wish City. Il nous fallait voir le conseil pour comprendre ce qui se passait. Le laboratoire des hommes, dans la forêt. Oh, le beau discours que tu vas faire! Oh, oui, ça c'est un beau discours! Ils sont tous là? Oui, Ratis. Tous ont répondu à ton invitation. Oh, ça va être un bon discours. Tiens, monte sur ce rocher-là. Manfred, je suis pas imbécile. Je sais que je dois monter sur ce rocher. Pour tous. Les dominer. Rah ! Nous ne sommes plus seuls désormais. Pour notre grande guerre, notre grande bataille contre Eol, nous avons... des alliés. Les araignées! Les corbeaux! Les vipères! Une alliance! Eol sera bientôt à vous et les prédateurs pourront enfin se repaître sur cette stupidité qu'est Eol. Un lieu où personne ne peut manger personne? Où la nature n'a plus ses droits? Car si un prédateur a pour interdiction de manger sa proie, c'est bien ôter à la nature son droit fondamental, celui de la chaîne alimentaire. Oui, un beau discours. Ça, c'est un beau discours. T'es trop fort, Ratis. Je suis Ratis. Et vous tous ici présents, vous allez me suivre pour une guerre sans précédent. Jamais un animal ne s'est allié avec un autre pour arriver à ses fins. Jamais. Mais aujourd'hui... nous nous organisons enfin en une société intelligente et... évoluée. Eol tombera sous nos coups de butoir. Oh oui, nos gros coups de butoir! Ça va être trop bien! Eol tombera et les Barifouich avec. Car nous aurons la seule chose capable d'écraser Eol. Prends tes bâtons, Seigneur Otis! Prends ta lance! Nous avons avec nous... les sœurs! Thank you. Bah, il faut y